100% rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. Et juste après Difool, c'est parti pour la Nocturne 100% rap français avec monsieur Juicy P qui est là parmi nous. Comment va? Ça va, la famille, on est là, on est dans la maison, mon frère. En pleine forme, une grande famille, puisqu'il y a du monde ce soir avec toi, Juicy P. Bien sûr, tous mes gosses sont dans la maison, ma gueule. Avec un nouveau projet qui est sorti là, lundi? Lundi, ouais, Bicraft Tour. Voilà, grosse compilation. Le reste de la France featuring moi-même, t'as capté ou pas? Ouais, c'est un mélange entre un album pas solo, parce qu'il y a que des featuring, et une compilation, puisque t'as été faire le tour de France, il y a des gens qui sont présentés d'un petit peu partout. Hein. Voilà, exactement, t'as vu, il y a des mecs de Lille, il y a des mecs de Montpellier, il y a Marseille. Des mecs de la Seine-sur-Mer, Marseille. De Grigny aussi, évidemment. Grigny aussi, obligé de chez moi, t'as vu, et de mes frères, voilà, tu vois, tu connais comme d'habitude. Parce qu'évidemment, ouais, Grigny, c'est toi. Rappelle-nous d'ailleurs, Juicy P, parce qu'il y a un parcours derrière tout ça, il y a LMC Click. Ouais, LMC Click, t'as vu, c'est mon groupe dans lequel j'évolue avec mon pote Jack Mani, Skinny Troy et Maestro, tu vois. On a sorti une mixtape en 2005 qui s'appelait Représente ta rue, s'en est suivi une compilation du même titre, mais avec une sorte de suite, deuxième volet, plutôt compilation. On a sorti un street album en 2009-2010 qui s'appelait Vrai dans le jeu, qui a très très bien tourné, on a eu un bon succès d'estime dessus, on a fait pas mal de tournées grâce à CD. Et voilà, l'année dernière, j'ai sorti Certifié Vrai 2, tu vois, la suite de Certifié Vrai 1, Jack Mania avait sorti un an avant, pour lequel on avait fait le Bicraft Tour. Et l'année dernière, voilà, j'ai sorti Certifié Vrai 2, j'ai fait le Bicraft Tour pendant tout le mois d'août. Et je suis revenu, j'ai fait un CD qui s'appelle Bicraft Tour. Ouais, j'ai demandé, voilà. Donc Bicraft Tour, c'est parti de cette tournée que t'as fait, de rencontres de différentes personnes. Voilà, rencontres, vente de CD et t-shirts, t'as vu, tu connais Fred, nous on est des mecs, des vrais, vrais, vrais indépendants, tu vois, c'est pour de vrai. Donc quand vous débarquez dans une ville, quand on débarque dans une ville, on nous respecte parce qu'on fait du bon taf en tant qu'indépendant, tu vois ce que je veux dire. Et on arrive à se retrouver dans les iPods des mecs qui sont dans le plus fin fond de la France, alors que t'as vu, on fait ça de chez nous par notre ordinateur, tu vois ce que je veux dire. Et la musique se transmet partout. Voilà, et la musique se transmet partout, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est dans les bacs digitalement aussi, on peut télécharger légalement. Digitalement, légalement, en vente à la FNAC et surtout en vente sur notre site qui s'appelle j'achetehiphop.com. T'as vu, là-bas, tu commandes le CD, on te l'envoie en physique, tu le reçois chez toi 2-3 jours après. J'achetehiphop.com, mon frère. J'achetehiphop.com. Est-ce qu'on présente tout le monde ou on met d'abord des morceaux, on présente après tout le monde? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Je suis avec mes mangas, je vais les présenter. Eh ben alors vas-y, fais le tour de table. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as vu à ma droite, il y a mon putain de gars Jack Mani, tu vois. Jack Mani. C'est avec lui qu'on a commencé, qu'on a fait ces choses, tu vois ce que je veux dire? Respect. C'est mon putain de gars, tu vois ce que je veux dire? Depuis le départ, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Il y a mon refrain Sean qui est dans la maison, t'as vu, on est un groupe ensemble. Ghetto Fabulous Gang. Voilà. Lui, il vient du Ghetto Fabulous Gang, c'est mon scrap du 93, ça fait 10 piges, je le connais, c'est mon putain de négro. Tu comprends? Bah, il est avec moi dans la maison aujourd'hui, c'est normal. Bienvenue Sean. Merci. Et voilà, il y a Zesso aussi qui est dans la maison. Zesso, c'est mon frère, il fait partie du groupe États-Unis d'Afrique aussi, qu'on a monté ensemble. Vrai. Tu vois, lui aussi c'est mon gars, il est du 9-4, c'est mon frérot, il est dans la maison aussi, tu vois. Vrai, vrai. Après, il y a mon frère Mosda qui est là aussi, un artiste de mon quartier qui fait du boucan chez nous. Il y a mes frères de la Seine-sur-Mer, là-bas, ça pêche la flèche. Il y a mon gars de Stein qui est là aussi, qui représente Postin et Elbeuf aujourd'hui. C'est mon gars Bafali, il est là. Il y a mon gars Diego, il est là. Il y a Kinch Machiavel. Kinch Machiavel de Lille qui est là dans la maison de M359, il est dans la maison. Il y a mon gars MO de la Comera, ça c'est mon frère. MO. Il est dans la Comera. Maison aussi. Tu vois, la Comera, c'est un autre groupe de chez nous qui est très très lourd. Très très très. Je sais que t'en as entendu parler, tu vois. Ils sont là dans la maison aussi. 9-1, il y a quand même une sacrée graine aussi là-bas. Bien sûr, dans mon 9-1. Frère. Ben, c'est tout ça. T'as vu, là je t'ai ramené les mecs qui ont fait, les petits frères des mecs qui ont commencé à faire le son du 9-1. Et nous, on est ceux qui ont poursuivi le truc, tu vois ce que je veux dire, qui l'ont ramené jusqu'à ici aujourd'hui, tu comprends pas. Les gens, ils sont là, tu vois ce que je veux dire. Il y a mon gars Skinny Troy au sein de l'MC Click, il est là aussi. Et il y a mes frères de la Bangladesh qui sont là aussi. Et il y a d'autres frères qui vont arriver là, normalement, dans pas longtemps, si Dieu le veut, et on sera au complet. Et bah, coup d'envoi de cette nocturne, et puis tout le monde, on parlera un petit peu avec tout le monde aussi dans un instant. CV par le vrai Bicraft Tour dans les bacs. On salue monsieur JC Dalton. JC. Il est dans la maison aussi. Ça fait plaisir, on est là. Gros big up à mes gars qui sont pas là. Hype, Sazamizi, Miko, Yoshi, on est ensemble. La famille. Quand vous voulez, coup d'envoi de cette nocturne avec Juicy P au contrôle et le Bicraft Tour. Oh ouais, dans la maison. JC. JC Dalton. Planète rap. 100% rap français. On va pas les aider. Big Crafto dans les bacs depuis le 22 juin, bande d'enfoirés, allez le chercher, CV pas les vrais, États-Unis d'Afrique, du CPLM, c'est clic, néo musique, tu sais comment on fait. Ils veulent tous manger, mais y'a qu'une assiette. Mon feu t'encule et t'encule la sec. T'as sur la gueule, tu rends sur la tête. Je ride dans le coin si ça pue la chenec. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. As-tu entendu le bruit du pétard? Quand la fumée se dissipe, je suis hal. Jamais trop loin des ambiances noires et sales. Gâchette facile, mais mug en rafale. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Mon Dieu nous a créé tous égaux. N'a qui font rien, n'a qui font des dos. Les faux poteaux qui te chassent dans le dos pour des go. Wow, on en met les sur le téco. J'espère que tu suces bien, mes necks sont mal léchés. Quand je rappe y'a pas déchets, mes necks vont pas te laisser. Je fume, j'vais pas te blesser. Chaque fessé, bas dressé. Je te pisse dessus comme s'il y a pas de WC. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Hein, tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Ils te pondent du haut de l'hélico comme Sosa. Pour faire des sous, faut des couilles, impossible sans ça. Du CPLM, c'est qui arrive dans le bail sans ça. Nique sa mère la police, nique sa mère la politique. Fume du shit dans les trains et lieux publics. Ils m'ont demandé des années, donnez-moi du fric. Tu peux pas tester. Ils veulent tous manger, mais y'a qu'une assiette. Mon feu t'encule et t'encule la selle. Tate sur la gueule, turban sur la tête. Je ride dans le coin si ça pue la chenec. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. As-tu entendu le bruit du pétard? Quand la fumée se dissipe, je suis hal. Jamais trop loin des ambiances noires et sales. Gâchette facile, mais mug en rafale. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. On va pas les tester mes necks comme ça. On va pas les tester mes necks comme ça. On se propage comme des métastases. La scène cristallise tous tes fantasmes. Moi j'aime l'argent, j'aime pas les castagnes. J'appelle les grands frères, j'impose des Pascal. Ça ride cascade, un intégral casque. Le coin de ton crâne va frapper l'asphalte. Tu te crois dangereux, parce que t'as dit macaque. J'enfile ta tasse comme j'enfile ma cape. On va pas on les fait aider. Ceci, on fait cela. Vouloir nous tester, négro, c'est cela. On bigravera de la scène, cela. Ou de la scène, similia aux enfants de Cécilia. Et toi fils de pute, tu veux marcher sur nous. On a ces joujoux qui font des putains de trous. Tu veux te faire une idée. Arrête-toi au feu rouge 91 R. Mes négros shoot. Bra, bra, bra, bra. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester mes necks comme ça. Tu peux pas tester 91 dans le building. Tu connais les bails. Et les musiques. As-tu entendu le bruit du pétard? Quand la fumée se dissipe, je suis hal. Jamais trop loin des ambiances noires et sales. Les squares sur goût, stop sablon. Méridien, peuple heureux, balance. On va pas tester mes necks comme ça. On va pas les aider. On va pas tester mes necks comme ça. On va pas les aider. Big Crafto dans les bacs depuis lundi 22, mon frère. Bac pécho si tu l'as pas, ma gueule. CV par les vrais, du CPLMC clique dans la maison, ma gueule. Vrai. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Alors là, c'est terrible, ma gueule, c'est terrible. Oh, oh, oh, big dédicace à Venant la rumeur. T'es touché, mais c'est pas une sarbaka. All black, ma gueule, t'es mes rares sur B4. À ce que je vois, ils sont beaucoup. Nos joujoux nous procurent la force morale à Son Goku. Mogan, Kame, Amé, ah. Oui. Trouta, Kouvi, Kalmé, Kona, tu vas caner. Ah. Oui. Ici, c'est négro, fini, perforé. Shooter, ma mitraillette s'appelle Pastore. Tu ne peux pas courir plus vite que des battes, t'appelles Bastomi ou passé. On s'en bat les couilles de quitter, on s'en bat les couilles du fait que t'as fait ci. Mes négros sont vifs, moteur V6. Gros bijou de mif, sous la fessie. Bonne Anaconda, on sort les massacés. Au Goku Papa, les marques n'a mandé. Molo, les marques n'a mandé de faire Molo, Molo. Putain, sans qui tâche mon polo. Molo, les marques n'a mandé de faire Molo, les marques n'a mandé de faire Molo. Polo, ouais, c'est bon. la zip de Mulhouse. Oula, les mains ça m'ont dit de faire mal. Les mains ça m'ont dit de faire mal. Les cotons, les cotons. On est ensemble. Marmolo. Au Congo le Père Noël est mort depuis le début. Des cadeaux qui venaient par la cheminée, c'était des obus. Prêt, quand vous soyez, je vous cherche, je suis tout seul. Je passe un diamant, tu dois te soigner. Cavale, cavale, je mérite pas une rafale, mais une savane. Savane, savane, avant d'étrangler avec ta cravate. Je commence pas ton bas, non, je suis un génie. J'aimerais voir l'expression de ton visage, tout m'est fini. Pas de balablo, et c'est que des vrais pas de charlatans. Bousviller, Bousviller. Ce sera dans ma catégorie de l'Ouest. Eh, toutes les villes de l'Ouest, de l'Est, Strasbourg, mon frère, Besançon, Mulhouse, Nancy, Saint-Dié des Vosges. Eh, Ménégro, Luxembourg, Waro, Mbappé, Chobi, Craft Tour. Disponible dans les bacs. Néo musique dans la maison. Néo musique. GFG dans la maison. GFG. EUA dans la maison. EUA. Banque de son dans la maison. Banque de son. Eh, hey, c'est à nous qu'appartient le vrai rap, ma gueule. C'est nous. C'est la nocturne. Au contrôle, Juicy P au contrôle de la nocturne avec le Big Raft Tour. Un petit mot sur ce morceau qui s'appelle Molo. T'as vu, avec C-Boy, je l'ai connecté. C'est un frère de mon quartier qui m'a dit regarde le vieux. Un petit frère à moi, il m'a dit regarde le vieux. Ce mec là, il est bon, il m'a montré sur YouTube. Voilà, j'ai kiffé, je l'ai appelé, j'ai trouvé une technique, je l'ai appelé, il est venu, on a fait son boom. Mulhouse, c'est ça. Voilà, Mulhouse. Et moi, j'avais déjà été à Mulhouse lors de mon Big Raft Tour avec Jack Manny et Sean. Dans une cité là-bas qui s'appelle la Zup des Coteaux. Big up à la Zup. Très, très bien accueilli. Donc, t'as vu, franchement, respect à eux, respect à lui, c'est un vrai gars. Si, motherfucking boy. On va repartir sur Big Raft Tour avant de passer, parce que c'est vrai, on l'a pas dit dès le début, mais ça va être une espèce de concert dans un instant. Hein, c'est ouais, ça, on va faire ça en mode showcase. En mode showcase. En mode showcase à Skyrock. On va showcase Skyrock. Showcase. Voilà. Okay. Showcase Skyrock, frère. Tu vois. Tous mes gosses sont là, ça va être sale. Il va y avoir du live dans un instant. Là, on met un morceau, le morceau qui figure sur Big Raft Tour, un morceau qui s'appelle Batman Remix. Voilà, Batman Remix, le remix à celui que j'avais fait avec Ixo. Batman, tu vois, qui était bien crade, tu vois, dur, tu vois. Celui-là, c'est plutôt un truc où on jette un constat sur la société dans laquelle on vit en 2015, tu vois. En fait, on est tous des Batman, mais dans le sens où on veut devenir comme Bruce Wayne, travailler plus du côté positif, de voir les choses, de voir là où on vit, essayer de lever la tête et de dire putain merde, faut pas que je reste dans cette merde là, il faut que je m'en sorte. Tu comprends ou pas? Ouais. Batman pour devenir Bruce Wayne, t'as avec compris? Avec donc voilà. Sur le morceau This Is Sean qui est là aussi. Voilà, This Is Sean. Oui, oui, oui. Attends, Sean est à Skyrock. C'est vrai, Sean est à Skyrock. C'est important. C'est bien. Mais Fred, il faut signaler. Sean est à Skyrock. Fred, tu m'entends? Bah oui, je t'entends, je te vois même. Faut que tu dises devant toute la France que t'as dit que tu vas me donner de la nocturne aussi. Je te l'ai dit, je ne vois pas. Vous avez une excuse. Je vois pas pourquoi, pourquoi tu viendrais pas. Les gens pensaient que j'allais pas venir. On s'est régularisé. Nous, on est là pour travailler. Exactement. Exactement. T'as vu. Je vais te dire un truc. T'as vu, Sean, c'est mon frérot. T'as vu. Je sais qu'il vient pas ici à la base. T'as capté ou pas? Là, s'il est venu, t'as vu, c'est une manière de montrer que t'as vu que c'est mon frère et qu'il me respecte beaucoup et que c'est pour ça qu'il est là. Tu comprends ou pas? Tu vois, parce que je sais que ça aurait été quelqu'un d'autre qui lui aurait demandé, il serait jamais venu. Bah ouais, je sais qu'il y a d'autres gens qui lui avaient demandé déjà. T'as vu, Sean. Il y a R. L'homme intègre, Burkina Faso de Volta. Bon, en tout cas, voilà, on fera une nocturne avec Sean aussi. Big up. Je le dis devant la France entière. Zesso, on va la faire, frère. Et on va la faire aussi avec Zesso. Big up. Allez, avant de vous retrouver en live dans un instant, ce morceau maintenant, Batman Remix. C'est dans les bacs. Et de vrai, crois bien que c'est pas facile d'être moi, négro. Les pédales mon clés, frôle mon crâne et me stresse, négro. Je me sens comme Cardito, je suis dans l'impasse, négro. Big Raft Tour disponible. J'ai le bénéf d'une passe. J'achète hip-hop.com flac. Je veux genre à Bruce Wayne. Droit ou mauvais chemin, casse l'entienne. Je vois les miens au fil indienne. À la cave pour l'emploi, resto du cœur. Laser mieux qu'on est par cœur. Si c'était un refrain de blues, on ferait des cœurs. Acteur et chroniqueur, au bas du bal, t'es une proie ou un prédateur? Un prédateur. Tout est question. question de survie. Tout est question de pouvoir s'en sortir et monter la vie. Et guise ton subit par mon récit, t'apprends à faire le yébi. Sans travail, t'arrives à rien, yo mon coro yébi. J'me joins à Bruce Wayne. Everyday, all day, sache que je taf, man. J'me joins à Bruce Wayne. Everyday, all day, sache que je taf, man. En attendant que la chance sourie. Everyday, all day, sache que je taf, man. Ça passe par les coachs. J'ferai tout ce qu'il faut. Ici, y'a pas de super-héros, y'a pas de Batman. Sache que je me vengerai toujours. D'une manière ou d'une autre, je dessinerai des contours. Je suis pas rancunier et je tiens à la vie. Mais les bons règlements de compte font les bons ennemis. D-I-S-I-Z, justicier. Pour mes gosses, gosses, y'a des haines qui sont justifiées. Man, c'est hoche, hoche, vu d'où je viens, obligé que la gamberge soit le sujet principal. Vu d'où je viens, une femme et des enfants, c'est déjà pas si mal. En gros, mon gros, si tu comprends, je te parle de rédemption. Parce que chez nous, le diable exerce un droit de préemption. Mon son fait de la prévention, y'a jamais d'invention. Suppresser mon son comme un citron, resterait, faites attention. 9-1 toutes ces villes où dans le cerveau des miens c'est le bordel. Prêt pour la guerre c'est bien mais y'a pas d'oseille. Beaucoup trop de Batman, pas assez de Bruce Wayne. De jour comme de nuit c'est la Dark Knight. 8h du mat' j'vois des zombies qui ont déjà vu 12 packs. Si on fait un flashback quand je traînais dans le trap, j'aurais pu tomber dans ce trou et me perdre grave. Dans nos villes abandonnées c'est la haine, c'est la dèche. Préfère la force des billets que la puissance, la gamberge cogite. Nos vies c'est l'inverse, on est des anti-héros. Pourtant d'ici c'est Juicy B, c'est la même chose. Je veux le joindre à Bruce Wayne. Everyday, all day, sache que je taf, man. Je veux le joindre à Bruce Wayne. Everyday, all day, sache que je taf, man. En attendant que la chance sourit. Everyday, all day, sache que je taf, man. Ça passe par l'école, je ferai tout ce qu'il faut. J'ai familé. Everyday devant le Batman. Grind to Pac-Man. Noyé dans un Pac-Man. Chauve-souris ta Batman. Ride avec les Batman. 4 roues motrices ou bécane. Big up Akan, Gokan, Erjan, les Turkman. J'ai la peau noire de Lockman. Grind le foot ou banane. Distingue sur Conan avant de m'aborder des salam. Dans l'oseille y'a plus d'âme. Sans pas les couilles d'être bienvenu. On veut juste être bien servi, pas de leur amour. J't'ai prévenu. Africain tu lui as manu. Sur l'asphalte le menu. Un plat d'orgueil assaisonné à la traîtrise en peu cornu. Tu vas rien faire comme l'ONU. La fin vaut mieux que la honte. J'ai jamais ramené le keuf à la maison. Hey, c'est ça qui compte. Les mouches auront beau voler, elles ne viendront Big jamais baisser. Le Batman vienne ce soir, Misty du pote à tes grecs. Chez nous, personne n'est Charlie. Y'a que des Bouna et Z-Head. Un seul chemin bien clippé. Socialement, tu décides. On part tabac du coin, la française des jeux les aspire. Garde nos vies et nique ta mère. Demande pas à quoi j'aspire. Pour survivre, j'ai dû lire. Bicrape pas pour le délire. Ghetto Fabulous Gang Empire. Big Rap Tour disponible. Flag, iTunes, j'achète hip-hop.com. Je suis pisé. Yeah. Ma gueule, Grigio, Grigio, Vitry. Ghetto Fabulous Gang. On est dans la maison, ma gueule. Mini Hood. Yeah. Gros big up à tous mes gars du Ham. Big up. God bless. Ouais, Spirit. Le chat de mort. On est ensemble, Abdella. Kerim Abdella. Big Rap Tour. Ah ouais, Toulouse, mon frère, les Mirages. Yeah. Bagatelle. Bim Bim. Smoke Hill. Ouais, 7, Hill de Tau. Ouais. Hey gros. Lyon. Hey gros, Béziers. Cliché sous. Ouais, coach Rachid. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ok. Une dédicace à Bim Bim, Ougata, ouais. On t'a pas oublié, mon sauce. On va passer aux choses sérieuses. Tous les bougos cartes plats. Monte plus de son dans mon casque, ma gueule. Je suis venu comme ça, je serais connu comme Gulli. T'étais, je peux mourir comme des guili-guili. Je vais péter ta tête avec un Lamborghini. Comme dans, je lui donne la chaîne comme bébé Lili. T'as beau avant 18 ans, rentrer dans mon casque, c'est déconseillé. Les cafés, des poulets, mais quand on fait nos sous, c'est eux qui veulent nous griller. Ratatata, danse avec les loups. Ré, on te montre comment ça se passe chez nous. Ré, c'est ça, ils trouvent ça chelou. Ré, écoute, je Denzo, c'est du lourd. On sait qu'on vous fait peur, devenu leur terreur. T'as fait cette grosse erreur, critiquer mon secteur. Ouais, c'est nous les meilleurs, on va faire un malheur. On est là, qu'il ailleurs. C'est B2U. Sur la plaque, on est. des loups, on n'est pas des chattes. J'ouvre le chargeur qui se décharge. Ton cadavre dans la décharge. Tu peux tes mains dans mon dos. Tous mes arts postichés. Hey Youssef, Youssef, fais gaffe à toi, viru. Je suis picoté passager. Je suis déjà usagé. Direction le laboratoire. On va couper les pieds de les plus âgés. Frère, on n'est plus des types. T'es mal à taille des cartouches. Tu peux rapper comme tu veux. C'est Nord, ils vous lavent tous. FSK, FSK, mon conseil, Carvel, Tartereux, la nacelle. Le blé, la farine, tu nous fais goûter l'eau. On dit qu'ils veulent pleurer à la street, moi ça me paraît chelou. Les objectifs sont ouais, mon gars, spike la pioche. Gaz, gaz, Big Pachazou. Rien, ça sort le 9000 mili. Balance un star dans la mêlée, y'a des gringalés. Montagne, bisous. Demande à la carabine, on maîtrise le bail comme si on fait du vélo. Vrai. En guise de cadeau, y'aura du labello. J'arrive en bas, le 2 dernier départ. R.I.S. Capois 91 suite à 2 points d'écart. Donc je rappe Pénari, ils disent que c'est la Reno, le plateau N.E.G.E. Danse avec mes loups, les moutons comme que feu. La queen de Riz, c'est quoi les bails? Dans la cabine, c'est le micro qui bégaye. Le scoop redescé dans la bouche de ces putains. Les majeurs levés, plus mineurs, fuck les soupes. Et ces fils de pute n'attendent que notre chute. Je leur mets de panettes, ils regardent tout à suite. Et tu sais ce que c'est banal, glisser des bananes. Carafe ou colin, ça se pavane sur banane. Range la maille et le cadavre pour les frères en cabane. Et les rayons en cavale gonflés dans des casas. Danse avec les loups, pourtant je suis pas un star. A coup de bigot et Omni, venir mur à Tony Stark. Plus d'enregistrement que le KGB, la NSA. Sans langue de bois, Patrice Evra. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Nos rêves sont performants, toujours but. Ma chaise que j'ai bouga. Avec sur 5, hop, j'y prends. Yeah. Équipe de malade. Ska-O Mangodière, c'est quoi les bails? Et ton, Franck. Des MC qui sont le drapeau. Des gros tous les sous, ça voudrait ta faute. Paradoxal comme le drapeau tricolore qui n'accepte pas les hommes de couleur. Vrai. Sans la douleur. Moi et mes gars, on a trop le doulé. Non. Faut que c'est moi qui dealer. Tous mes dealers, salade de doré. On a dansé dans le coudé. Pow, pow, pow. On se fracasse le cou à coup de coudé. 9-1 Idanaki devant CPD Condé. Idanaki, Idanaki. Baisser des rêves de les voir tous plomber. Plomber, à côté du humain. On vise de la luna, impossible de me dompter. Big frappe à la Dante. Tu repartiras et Dante. Bacat, Brolandas, R.I.S. Le son de la force, remplis le coffre de substance. On sait comment faire pour faire sur tes gabas et leurs plectons. J'ai proliqué comme ton Dodolina. Y'a pas d'avis sans plus les Colina. Les fils de pute de mytho. Joue plus la flûte, mais de la mandolina. Niska, on a tiré. La peu. Tellement poteur, t'as le passé d'un tiré. Emery, c'est des seins. Allô, je suis Othello. Je suis Othello, Yayo. Pense à ma peine, tu mérites Janello. Tu mérites Janello. Charlie, Delta, Charlie, Delta, Charlie. Je suis avec Leewood, bêta de Greenie. Ouais, je leur parle mal comme si j'étais Patrice Evra. Ils vont rien faire. Ratatata. Les fourrailles sont ces bâtards, c'est des hatas. Ils sont pas taille, je suis plus du Tchèque. Je suis qui est ton star. Fais bouger la tête de tous mes négros stars. On a dit qu'il y avait monnaie, continue, connais très bien. Pas le temps de piquer, on pose en premier bien. Fais pas Zerma, tu nous connais pas, cousin. On a fait nos armes dans les rues du 9-1. On se couvre dans sa bête, les loups comme Kevin Kousner ou Van Helsing. Le silence prime. Apprends le langage des signes. Au cas de tour, tu cours l'honneur. Et là, ma vraie. Ma cassette n'a pas de cœur, aucun blague sous mes barres. Pour creuser des trous, je m'en mettrai à Dieu. Si je suis pas en temps, j'allumerai le feu. Et je danse avec les loups, pourtant je suis pas un star. À coup de niveau et qu'on commence toute la force avec moi. À la style CD, les frères. Ça veut très bien, mais depuis longtemps, on fait ça depuis très longtemps. Donnez du respect. Fais le gardien de but, fils de pute, prends cette rafale. Fais le gardien de but, fils de pute, prends cette rafale. Fais le gardien de but. iTunes, Nike, j'achète hip-hop.com. Toujours but, 9, plus de clients courts. Allez chercher les frères, il est partout en France, frérot. Dans ta cité, j'achète hip-hop.com. Dans le four, dans la chicha. C'est la nocturne avec Juicy P au contrôle. Oh, on est dans la et maison, c'est le chaud. Le Bicraft Tour danse avec les loups remix. Niska sur le morceau. E2M. Youssef, Bakad, Denzo. Voilà, tout ça, c'est la famille du 91. On est tous ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce qu'on est prêt pour attaquer maintenant avec tes invités du CP? Bien sûr. Le showcase spécial pour tous ceux qui nous écoutent dans cette nocturne. On va enchaîner direct. Tous mes frères sont là. C'est parti, vas-y, on voit le bordel. Hein. J'y sais, Dalton, déchaîne les enfers, mon frère. Ok. Du circuit, du craft tour dans les bacs. Depuis le 22 juin, mon gars. Va chercher avant que tu finisses Floca. Je dis à tous mes frères qui sont le Habs, le riz, la rumeur, la pique, Macan, Domouni. Moudja, je t'oublie pas, petit refrain. Macron. Hein, Léotard Graus. Hein, Sirou. Moussa Vigneux. Connais. Hein, danse avec les loups. 9-1. On va les mettre à l'amende cette année. Comptez sur moi. Déter. Grande porte. Rafale dans ta grand-mère. Dis bonjour à mon pote. Check ton arrière-grand-père de la part de mon clan. Patate, matraque, massue, on les massacre, c'est des ton rabot a pris Greenpeace, rien à foutre, mon négro, on est fort. Je suis fille du quartier de Greeny 2, ambiance close. Terminator, Fossoyeur, Croque-Mort, Mathias Boss. Vide en fer, donc on tient feu, Transformers sans sport. Père qui roule, mais rien à voir avec les Rolling Stones. Et on fume du bédon, à en voir des fantômes. J'entends des voix d'outre-ton me dire, tu sais, c'est chaud, chaud. Tu veux monter sur qui, sur moi, j'espère que t'as les armes. Ouais. Gratuitement comme ça tu parles en hagra, tu vas en frac. Les rappeurs sont des lopettes, lopettes. Alors c'est des baisses en brochette. Faites la queue de l'eau. Ouais, c'est des baisses en brochette. Prochaine pute a une belle bouche, mais de loin je préfère sa chatte. Ah. Gorge profonde, je suis dans le coup. Un 4 pattes, je lui mets un watt. Et je danse avec les loups, pourtant je suis pas un star. Un coup de bigot et on vive l'armure à Tony Stark. Enregistrement que KGB, la NSA. Sans l'homme de bois, 91 Patrice Evra. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Nos bas sont performants, toujours but. États-Unis d'Afrique est dans la maison, mon frère. Envoie le son porte-drapeau. C'est quoi les boys? J'y sais. Dédicace à tous les checkers de France, mon frère, 91, 92. C'est pour les mères. Remets-moi ça. C'est pour les mères. Remets-moi ça, s'il te plaît. Exclusivité EUA. Yeah. États-Unis d'Afrique. Yeah. États-Unis d'Afrique. EUA. Zesson. Gangsta. Gangsta. Sans amis. Avec les doigts. Jack Mani. Gangsta. Gangsta. Avec les doigts. Miko. Gangsta. Fais des gestes avec les doigts. Avec les doigts. EUA. Yeah. Vas-y, balance ça. Gangsta, yeah. Des gestes avec les drapeaux. Quartier chaud. Pour les mères voilées locaux, les potos au dépôt. Ghetto porte-drapeau, faites pas les choses. C'est pour les mères qui mettent leurs gosses au dos. Les négros, les bigots, les blancos asiaticos. Quartier chaud. Pour les mères voilées locaux, les potos au dépôt. Ghetto porte-drapeau, faites pas les choses. Toujours mes mangas sont frais. Quand ton père, on se refait. On fera jamais taf de bonos, négro prévient le préfet. On discoupe, on te multiplie que négro bellique. Je fous des codes dans toutes les armes, Nico bellique. Les M6 sont morts, SOS fantôme. Tu t'appelles pas Ryan, personne viendra te sauver pour toi, c'est wow. Check ma façon de faire, check ma façon de parler. Check ma façon dont je hisse le fucking drapeau. Négro, check. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique, c'est saut, Batgame, c'est saut. 9-4, Vitry. Puis lundi, ouais, ouais. On va le chercher. Ouais. C'est 1-8-7 code EUA. Game sur PS4. On fait sauter les pointeurs. DSK. J'porte mon drac ou j'porte une goulka. Camouffe-toi ou touffe-toi. Capouche-la. C'est une grosse équipe, on peut pas plus. Toi, États-Unis d'Afrique, on contrôle, c'est pas l'Afrique. Porte le drapeau sur le maillot de la patrie. Faut que je finisse avec. Fais pas venir avec mes tours du cou. Toi, tu portes tes couilles, moi, c'est mon équipe qui porte les coups. Hein, tu fais de la paix, mes boucles portent des paix. chiffre, un peu de cognac et je te gifle. Tu potes ou pas, tu décides. Tu potes ton pote qui décède. Un procès, des bracelets, un hôtel. Je porte une grosse sève, mère qui mettent leurs gosses au dos. Les négros, les bicots, les blancos asiaticos. Garde chaud, chaud, oh. Les mères voilées locaux, les poteaux au dépôt. Qui nous porte drap, oh. Faites pas les chaud, chaud, oh. Qui mettent leurs gosses au dos. Les négros, les bicots, les blancos asiaticos. Faites pas les chaud, chaud, oh. Les mères voilées locaux, les poteaux au dépôt. Qui nous porte drap, oh. Faites pas les chaud, chaud, chaud. A8-7-4-U-A, gangsta, gangsta, fais des gestes avec les doigts. A8-7-4-U-A, gangsta, fais des gestes avec les doigts. Jack Mani, dis-leur comment on fait des choses, qu'on est libérable, Madieu. Music, tu peux retrouver ce track sur Hood Music, mon pote. Hood Music, disponible sur j'achète-hip-hop.com. Libérable, Jack Mani, bye. Jack Mani. Dédicace à tous les mogos, t'as. À tous les mogos en prison, tous les rayons en prison. Les sœurs aussi en prison. SS. Jack Mani. La big libérable. Dédicace Zirou. À Pivert, Check Nice. Yeah. Grigny. Hood Music. C'est ça les bails, mogos. Disponible. Hood Music. Tout le bien. Bicraft Tour et Hood Music disponible sur jachetipop.com. Exclusivité. Dealer chat. Dealer. T'es pas la force de King Kong. Oh, je viens de faire 5000 pompes. Oh, j'ai la haine contre ces fils de pute. Je suis sorti de prison. Oh, y'a plus de pochetons. Dans la cave, la juge met la pression. Profite pas toujours ma cote. Tu sais très bien que je dois faire attention. Oh, j'ai une fille, un garçon. 3-5-7, un peu bon. Ne viens pas faire le fou à la maison. Ta vie en dépend. Si je suis fou, ça dépend. Si les mocos qui sont dans ma tête me disent qu'on a plan pour ce flocon, c'est peut-être inquiétant. Faire du mal ça détend. J'fume de la peu de temps en temps. Faire une couche dans les tympans. Hey Greenpeace, ouais mon grand. Oh, champagne rose dans le revêt. Revêt. Pense ta fraîche de baisse. Fais pas la bise, sale te trait. S'il te plaît, reste en retrait. Si tu fais trop de zèle, coup de tête à la ZZ. Dans mon TK entre les perses mayennes et les brochettes. Pourquoi dit Greg? Sandwich, frites merde. Manque posé, azelé avec ses boucles MC. Chat, eh mes chats, t'es un fou quoi. Quand je t'en fuck les SS. Comment t'appelleras là frère? Eh mais t'en fais quoi au Capla là-bas là frérot? Mais le mec il a tabassé ça frère. Chacal, Jacka, Mogo, ça vient de Nigraï. African, West Coast comme le Mogo, Shun Ghetto Fab. Mani Mani Jacka, Mogo, ça vient de Nigraï. African, West Coast comme le Mogo, Shun Ghetto Fab. Fire à la weed, fire à la weed. Le seul moyen que j'ai trouvé pour m'évader de son prix. Fire à la weed, fire à la weed. Le seul moyen que j'ai trouvé pour m'évader de son prix. Finir en zombie, toujours garder son esprit. Pour ça la seule combine, tu sais très bien que c'est livre, y'a pas de deal. Front posé sur le parterre, stupéfiant sur le terre-terre. Frère t'étais armé, parti en guerre pour foutre sa vie en l'air. Pour ma part je suis déter, pour les sœurs et frères de ma mère. Ceux que j'appelle mes bouxers, à la street c'est qu'elle nique sa mère. Y'a sa gauche pour le double, j'bombarde pour pas me faire doubler. Dans ma street c'est la merde pour faire de y'a ce qu'il faut bien qu'on se démerde. Après une chute, on se relève, on se relève. Devant une chatte, on s'élève. N'essaie pas de lire sur mes lèvres. Tu sais que je parle pas aux aimés. Trop parler peut-être, mais fais pas trop le fou, mais t'auras celle, tu seras à poil comme une jipper, comme une fée, mais. Craft Tour dans les bras depuis le 22 Chacal. Dans les bras Césaire. Alors, on va représenter pour chez nous, t'as vu, Fred, nous on vient de Grigny, tu vois. Tu vois, je rassure ou pas. Et ça, c'est le soir avec mon frère de la Comera MO. Ça fait. Si tu te prends au-dessus, nous on te fera redescendre. Que la 100 balles à la seconde, Morgan, on descend. On descend. Voilà la police, négro, indécent. Sous le procureur, on vide le plein d'essence. G-R-I-G-N, G-R-I-G-N-Y. Bang bang. G-R-I-G-N, G-R-I-G-N-Y. Bang bang. G-R-I-G-N, G-R-I-G-N-Y. Ouais, on va à la seconde, mon corps. On descend. Vas-y. J'allume ces négros. Ouais. Et ils s'éteignent. J'arrive en balle, rafale dans leur mer. La défaite a un goût amer. Dans mon quartier, on refuse de perdre. 447. Mon gang, c'est pas la Team Rocket. Team Rocket. Quand on arrive, soudain tu regrettes. Full metal jacket, AK-74, son cousin gonte. Mon gang mitraillé. Funérailles sur ta famille. Les nems de crocodile, ça m'en est courant au deuil des vermines. Chance n'est guère, j'extermine. Hasta la vista, NMC de Comera, on les extermine. Un tout trop nous on te fera redescendre. Gala sans balas, gonte, mon gang, on descend. Police négro indécent. Sous procureur, on vide le plat d'essence. G-R-I-G-E. C'est pas avec mon gant, du craft tour toujours. Bafa dans la maison, mon frère, ouais, monsieur ouais. Bafa. Alors, c'est pas les bails. On est là, mon gars. Me télétransporte dans ta tête comme Dr. Spock. Strictement business, minute, mec, respect. Rien n'est gratuit, je suis là pour l'espèce. Jungle urbaine, unique dans mon espèce. Montant à l'essence de la rue, on se déplace. Vrai, vrai. De bloc en bloc, lève ton pouce quand tu nous croises. Réfléchis bien, hein. Quand tu me toises. Quand tu me toises. On mettra à Dieu, ce sera toi ou moi. Le Glock parle, la rafale part, je te vois, t'es calme, tu tombes par terre. Sans remords, sans vergogne, reste une piste, on t'allume ta mère. De la confrérie des agnotas. Qui va m'assassiner, qui va m'assassiner, moi, la Kinshasa. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. J'arrive dans le rap comme une balle à ailette. J'arrive dans le rap comme une balle à ailette. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. J'arrive dans le rap comme dans le rap. Massassi 93, c'est Saint-Denis. Territoire occupé par la Libye. Criminel intelligent, si on tire dessus, ça ne sera pas sans alibi. L'exception confirme la règle. Car en cas de danger, la station se multiplie. C'est quand il est blessé que l'animal est plus dangereux, plus agressif. Une femme met ta bouche sur le trottoir. American Story X. Ici, t'as le choix entre le barillet et l'automatique. Le plus dur n'est pas de commencer une guerre, c'est de la finir. Là d'où je viens, les problèmes poussés pleuvent jusqu'à l'infini. Territoire marqué par les impacts de balles, par les flaques de pisse, par les flaques de sang. Africain, négro, fier et déterminé sur le but du monde des rêves. J'ai trop laissé des larmes de sang. Dans la jungle urbaine, mon place à moi c'est Simbafa. Loyal et vrai comme Mufasa. On te dit qu'à remettre, c'était un trait comme bang, bang, bang, bang, bang. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. J'arrive dans le rap comme une balle à ailette. J'arrive dans le rap comme une balle à ailette. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. Tu peux m'appeler Bastos dans la tête. Dis à ces salons qu'on va leur faire la fête. J'arrive dans le rap comme une balle à ailette. Vrai, vrai, vrai. Hey, faites du bruit pour mon frère Omosdo. A gelé, a gelé. A gelé, a gelé. A gelé, a gelé. A gelé, a gelé. Biggie. DJ JC Dalton. A gelé, a gelé, a gelé. PGN tape dans le château. Azelé, azelé, azelé. On connaît pas de El Chapo. Azelé, azelé, azelé. Les chevaux sous le capot. Comme ça que nous rappons. On hein? Du crash à du crapaud. Toutes les deux morts sur le drapeau. On est des pirates. Mais les voiles qu'on vient à propos. Navigue dans les fous des taureaux. Plus aucun repos. Jenna est ton Viggy. Plus lourd que l'eau, manque le Viggy. Pour faire du sale, faut les bêta. Bêta, t'as prouvé le canon. Moi je peux les fumer sous l'eau. Bêta, pour saler le boulot. Azelé, les talons, le kilo. Plus de salope, pantalon. Attends d'Othello. Azelé, je frappe et je kill. Azelé, ma voix, tu l'entends dans ta ville. Azelé, comment se fait-il? Azelé, vise toujours le mille. Azelé, azelé, le mille, le mille. Azelé, azelé, le mille, le mille. Azelé, Danaï, Biggie, Biggie, Azelé. Azelé, azelé, azelé. Azelé, azelé, azelé. Azelé, azelé. Azelé, azelé. De la grande peur. Ouais, azelé, azelé. Azelé, azelé, azelé. Azelé, azelé. Azelé, azelé, azelé. Yala, stay. Azelé, azelé, dans la maison. Azulé. Case boys. Yeah. Le cabri des amants n'a plus peur du couteau. Initiation ardue au couteau. Rapide des rues comme un Mogadiscio. Yeah. Le froid de l'acier peut devenir brûlant. Négro, fais pas le show. Et je parle mal quand ça me chante. Le dos cravaché, mes ancêtres enchantés dans les champs. Dédicace à Kunta Kinte, à tout opprimé ayant combattu pour s'émanciper. Pas de rôle de carrière, rien n'a changé. Je continue de lutter pour être gracieusement payé. Faut que le tribunal de l'AE aime se charger. Oncle Sam, je m'en vais balayer. On va faire chuter le faucon noir. Mes négros irradient le coin, sera Fukushima. On devrait être Marianne Elisabeth. Shoot à Babylone, tirons sur la bête. C'est le son des soldats déjà morts. C'est le son des soldats déjà morts. C'est le son des soldats déjà morts. Donc Kellerman Negro, on a le mort. Westwood, Rougemer. Ici on ne connaît pas Negro Pagdin. Sous la mer, Negro, ça part en bain. Rocket en plein air, black, oh yeah, yeah. East, Southside, Westwood, Rougemer. Ici on ne connaît pas Negro Bagdad. Cherche-nous la mer, Negro, ça part en bain. Rocket en plein air, black, oh yeah. Fatima est dans la broche, du matin est dans la veuve. Les négros ne savent plus quoi faire. Ils ont troqué la drogue avec les chichas. Merde, merde, ça part en couille. Les gens croient plus en Dieu. Et si tu veux être Dieu, ramène la beuh. Big Mac, Radic Point, Astra Fukushima. On devrait être Marianne Elisabeth. Shoot à Babylone, tirons sur la bête. C'est le son des soldats déjà morts. C'est le son des soldats déjà morts. C'est le son des soldats déjà morts. La Comère. Yeah. Oh, big up. Ok, JCP. Oumar Kamara. Big up, big up, big up. Car Masco, Zirou, Merda. Et dans le fond du haut, négro. Bonamai, sale noir, fier d'être africain. On se complaisait dans le noir en rappant sale sur des bitricains. La plupart des miens sont des tueurs. Quand ils prennent le microphone, négro, tu sais que c'est murder. Murder. On assassine sans stupeur. La vie est une salope, tire-lui les cheveux, baise là avant que tu meurs. Les mains sales comme Jean-Paul Sartre. Ancrés dans des magouilles de toutes sortes. J'ai des clés mais pas les bonnes portes. De toutes sortes. Et tous mes frères j'exhorte de faire en sorte qu'on s'en sort. Peu importe la vie, c'est que l'on prend. Vrai, vrai. Pas d'être humain au-dessus de l'être humain. Non, non. Il n'y a que Dieu qui se trouve au-dessus de moi. Que Dieu. Dieu là juste que je suis au-dessus des lois. Business informel, négro, tu suis le nom. Je sais où je vais, négro. On a traversé le ciel. Mon amai. Sacrifice pour se remplir les fouilles. Mon amai. Dans le viseur y'a que l'oseille. Mon amai. On compte pas rentrer les fausses bredouilles. Mon amai. Mon amai. DJ, mets la suivante. Mets la suivante direct. CV, CV, tour de okay. Bibi. Eh mon gars Kinch Macavex. Pull up moi ça. Eh, ça c'est pour les frères du 59. Je t'ai ramené un peu le plus crapulax du 59, mon frère. Kinch Macavex. Cardine. Je veux dire Roubaix, HM, NVR. Envoie le son. Big up. Ma gueule. Docteur Terre, ma gueule. BTZ. L'équipe de Noy. 1-1. LMC Zer. Big up. Loser. J'baroude avec mon équipe de nuit. Faut que nos poches se remplissent. Un gramme d'Anisa dans une Philippe. Y'a que ça qui me remplisse. Faut faire 300% de bénéfice comme les bouteilles c'est rock en boîte. Double canon s'il est pas la chevrotine pour ces négros boîtes. Bang, bang, bang, bang. Pissé par les postes, moi j'suis posté. Touche un monde ma clique, on va riposter. Si t'es trop balèze, j'envoie plus sur terrain. Paradis avant que je rentre dans le rap game, les keufs sont déjà sur le terrain. Prolique quand je barre dans mon Jackson. Pour des sous m'assassis dans ton caisson. Caisson 1. J'm'embrouille que pour du papier ta mère la pute. Je suis du bon côté du canoncier. Quoi le négro, On fait les couilles, mon négro. Négro, on va les écraser, canoncier. Si, première sommation, négro, tire en air, j'ai les voix s'éparpillées. Kima, Nuki, Nuki. Je m'embrouille que pour du papier. Kima, Mamou. Quand ils ont groupe, face à moi, ta papier. Je m'embrouille que pour du papier. Dans les autres groupes, face à moi, ta papier. Je m'embrouille que pour du papier, ta mère la pute. Je suis du bon côté du canoncier. Quoi neuf négro. 59 à la maison. Kinch Macavette. Big up à MCG. Quel est Beta clan. Ok, ça sois un peu calmé avec mes frères de la scène sur mer. Baisse la flèche, n'a pas ça. Tu sais comment on fait les choses. Remets le son, DJ, je suis Pi, salut quoi là. Baisse la flèche, la scène sur mer, n'a pas ça, on est là, mon frère. Bienvenue pour le Big Craft Tour, mon frère. Big Craft Tour dans les bacs. On est dans la maison, frère, vas-y, on voit le son. FOB, sub de perte. Grigné. Gens d'argent. Ne pas pouvoir satisfaire ses envies, négro et choses. Trop frustrante. Ne demande pas pourquoi ce besoin urgent d'argent. Ne pas pouvoir satisfaire ses envies, négro et choses. Trop frustrant. Ces coups de crosse dans la bouche qu'on te passe le slam. Dans le ghetto, c'est l'ariate et les grosses lèvres. On veut des grosses lèvres, c'est des bitches à grosses lèvres. Maintenant, tout bracelet, l'état nous nie quand on s'élève. Pas là pour déblatérer mon ghetto, a mis la bac à terre. Un deck à tes gambettes, si ta vie tu veux pas la perdre. On connaît pas les pelles et balles à fausse compte à la peine. Le Blackberry, il se ricoute, appelle le passé, pas la peine. Les visages de 21 fois usés par la taille. On perd nos mères, mon frère, y'a de quoi perdre la tête. La marron dans les veines, nos modèles étaient des faibles. Même certaines firlelles se font prendre par les veines. Vous donnez pas les restes, rendez-nous plutôt nos rêves. Pas tant de délirer, on veut juste tenir les rênes. La chef du daron, elle ne connaît pas les grèves. Bouffon, si tu saignes, c'est que le ghetto va ses règles. C'est la vie de la tête. C'est la vie de la tête. C'est la vie de la tête. Vrai, vrai. Mon gars, vide la caisse. C'est la vie de la tête. C'est la vie de la tête. Vrai, vrai. Tu peux pas comprendre si t'es pas du quartier. Tu peux pas comprendre. Big Craft Tour. Tu peux pas comprendre si t'es pas du quartier. Tu peux pas comprendre. Vrai, vrai. Mon gars, vide la caisse. C'est la vie de la tête. C'est la vie de la tête. Vrai, vrai. Mon gars, vide la caisse. C'est la vie de la tête. Mon gars, vide la caisse. Moi je le connais et ça ne date pas d'hier. On t'avance des kilos, tu te réveilles à moins, pourtant c'est pas l'hiver. Plus de PD que d'homo, pseudo gangster raconte des pas l'hiver. De toute façon, les langues de pute et les jaloux finiront six pieds sous berce. C'est la fin du monde, la fin du monde. Ma reste ne sois pas bête, chez nous même les montagnes se rencontrent. Alors, règle tes dettes. Au fait, si je t'ai menacé, même si ça date, ne crois pas que je t'ai oublié. C'est juste que ton temps s'écoule encore dans ce putain de sablier. T'as la balle dans un corps adverse, on ne dit plus que le best par le premier. On sait qui sont les vrais, négligez les autres. Comme pas permis, je cogite plus, je suis énervé. Comme un garde-âme, quand j'ai rien fait, nous on le dit, ensuite on le fait. En avant sur toi, on fait ce que tu dis. C'est la vie de la tête. Tu peux pas comprendre, c'est de perte. Tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre. Tu t'es pas du quartier. Mon gars, vide la caisse. thèse, c'est la vie de la thèse. Il grave tout. Tu peux pas comprendre si t'es pas du quartier. Tu peux pas comprendre si t'es pas du quartier. Ça dit quoi là? Tu peux pas comprendre si t'es pas du quartier. Tu peux pas comprendre si t'es pas du quartier. FOB, Zip de Berre, Big Raf Tour, représente tous les frères derrière les barreaux d'un, ça dit quoi, John, Kabil, CZ, un classique, Rincho, FOB Crew dans la maison, Tomba. Tu sais ce que ça donne, tu sais ce que ça donne, tu sais ce que ça donne, les plus rageux s'abonnent, ça fait des bleus, ça cogne. Quand je prends le micro, ça donne, ça on fox, tu fanfaronnes. Dans le quartier, ça grogne, tu vas goûter, ça rogne. C'est chacun pour sa pomme, rien qu'on pousse l'album. Réflexion d'un homme, burning sur la gomme. Au verdict, on t'assomme, ça fonctionne. Ok, les gars, cautionne. Avant que le corbeau sonne, qui passe encore ton sol, crame ton corps au sol, chante Mikorasol. Ta bouche, on la savonne, on la tabasse à mort. Là, ça mort, là, ça brille grâce à Dior. Un jour, tu te casses la gueule, chez nous, crois pas que ça dort. J'compte mes poumons, rappel comme moi, c'est pas tout le monde. Faut des sumos, qu'a des couilles, non. Là, t'es mort si t'es gourmand. Donc, vas-y, passe-moi le mic, c'est pas comme ça. Quand j'prends le micro, gros, ça donne ça. C'est pour 9-1-9-4 gangsta. Prends le micro, gros, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Quand j'prends le micro, ça donne ça. Tu sais qui c'est. On arrive énervé, très énervé. Pour le sud, cartel du GHB, dans le revêt des tarpés. Je suis CP de LMC Scala, jusqu'à trépasser. Je donne ça, mon négro, ça sonne comme le son du Remington. Shoot, shoot les Batty Boy, comme le boy Capleton. T'auras toujours second rôle, je suis Will Smith et toi Carton. Les vrais négros savent qui je suis, je représente pour la tête. Ceux qui se fait la nuit ne voient jamais le jour, c'est comme ça qu'on procède. Mon soin tête dans la capitale, augmente le tarot du gangsta rap. Qui sont les best, qui ceux qui dead, qui ceux qui tombent et prend du ferme. Conspiration avec ma clique de foule, avec malade ciseaux. Perfect ciseaux, azeux les posés dans leur tiseau. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le MIC, ça donne. Quand j'prends le MIC, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le micro, ça donne. Quand j'prends le MIC, ça donne. MIC, ça donne. Ça MIC, ça donne. Jouant la famille, du craft tour, je me croise deux sons et c'est terminé les frères. On va se mettre bien, on va foutre le sbeul parce que là je suis craft tour. Je perds ma cité, ça va être sérieux. Calmez les gars. Là je mets la relève direct. On t'élimine et t'es plus de la partie. On fait son constat, pas des enfants d'un parti. Ça découpe, ça fait craver, pédave la partie. Pédave la partie, bicrave la partie. Le bruit des bécanes nous coupe le sommeil. Massa sur la dalle. Je commence la journée avec Dieu Jacomier. La fini aussitôt dans mon lit. Lève-toi, couche-toi, survêt, accoste-toi. Reconnu l'équipe. M'a fait son costard, m'a fait son costard, m'a fait son costard. Un seul j'explique. Si tu fais le costaud, si tu fais le costaud, si tu fais le costaud. Demande à nos quand tu finis à l'hosto. Ferme-la tu costro, ferme-la tu costro. On s'invite à la fête. Bouta Gangli, Chokiki Kuto, Chokiki Kuto. Stand up, au score, au 1, au 3, au loup, au 13, au loup seul. Zetla, franc, Satan, Torpo, on sort la chaise. Tu me contactes, en bas de Trozac. En Jazz 31, Jazz, en Jazz 31, Jazz, en Jazz 31, Jazz. On t'allume, mon terre. Chacun fait dans le pétrin. L'élection de pétrin, c'est la fin de la partie. La fin de la partie. ALS, ALS, Jax, Jax. 350, tu connais les bails. Colossal, c'est un clan. C'est un clan, c'est un clan. Je suis dans le bloc avec mes petits refrains. Ratatatata. Comme d'habitude, tu connais les bails. Mon rap s'adresse à la putain de racaille. Je suis dans le bloc avec mes petits refrains. Ratatata. Tu m'as jamais vu, tu me connais pas. Tu sais pas si je suis vraiment réel. Surcouf, immortel. Pas loin derrière. Tu m'as jamais vu, tu sais pas si je suis vraiment réel. La grande porte. éternel. Bangladesh, mon clé en l'air. C'est plus 10 la tête sur la cape, mais je crois c'est du pécan. T'as zéro momie, tu fais le macadam. Fais rentrer les billets, pas qu'à chat à ses dames. Virer nocturne, BDM sur Paname. Un négro décoro glisse pas sur une banane. C'est la planète des saints, tu peux croiser des putes. Le mood tout est chargé pour ces fils de pute. Colosse des colosses, match petit des spams. Kamata des mata, ratata. Big up, discipline, la plaquette, que je kata, kata. Qui je kata, colosse à Bangladesh, raconte pas de plata. Si tu laisses sur le terrain, tout comme Roi le matin. Appelez les pompiers. J'fume sur de la peufra, ne cesse pas de pomper. Lève la marche, tu risques de tomber. N'écoute pas leurs mensonges, tu risques de les gober. On fait pas du gobelet. On va tout bomber. Se retrouve en HP, finir du bomber. Je l'ai ta haja ou sur votre cas. C'est normal, pas besoin de sacra. D'appel, ça vaut pas la peine, donc je rentre cas. De pesos, n'est pas bien de la monnaie. Poussi, monnaie, monnaie, poussi. Ratata, Bangladesh, BNDM. Frère Oustar, tu que des trois ma gueule, tu commandes. On est un. Dans la maison, on est plein. C'est ça, tout le monde. Ouais, ouais. Sean de Locos, Ghetto Rappers, c'est comment? Yeah, la bitch. J'extrait mon nouveau CD, Hood Music, disponible sur achetipop.com. 13 fantômes, le teaser sur le net, YouTube. Ouais, ouais. Négro, you lose quand les temps de porte de la Phoenix rouge. Ouais, ouais. Négro, you lose quand les temps de porte de la Phoenix rouge. Ouais, ouais. Négro, you lose quand les temps de porte de la Phoenix rouge. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Négro, you lose quand les temps de porte de la Phoenix rouge. Jaune de loco, j'ai du sale sur les mains, je te montre pas, sinon tu parles un peu mon négro. Plus en plus d'os, c'est avec la farine qui font leur pain, je te parle pas de boulangerie négro. Complexé, il suce la jalousie parce que jaune baisse en qualité avec ses défauts. Tu peux critiquer, mais au final, c'est comme un film de poule. Je fais et toi, tu regardes négro. 13 fantômes dans l'industrie, je les choisis, je pose mes couilles, je fais tout moi-même comme au deux chiots. Tes masses, tu société dans le culot. Ils veulent qu'on fasse des crédits, nous on veut faire des euros. J'ai 10 000 priorités, j'suis pas comme eux pour moi les chats, non, sois pas une seule négro. À l'aise dans mes dépositions, c'te beau. Venu en bateau négrier, mener les chemises en bateau. La vie est sale, tu sors de chez toi propre. Bref, tu te fais nettoyer négro. Les gens t'aiment, te feront mal. Béni soit ma parano. Tu ne fais du mal qu'à toi quand tu nous mens sur la teneur de tes chevaux. Ne nous dis pas que c'est ta pute alors que tu parles avec elle. D'avenir à deux dans l'intimité d'une chambre de télo. Fier de ce qu'on est, fier de ce qu'on n'est pas. Dans l'adversité, Ray, vois, tu m'es pas. Dieu m'a fait en renoi, c'est un honneur, wallah. Plus je connais l'être humain et moi, ma vie me déçoit. Je veux closer, garder champagne et la rougloire. Je suis comme ça en affaire, brouillard dans le Vaucer, 13 fantômes. Faites ça avec moi, vous allez capter. Brouillard dans le Vaucer. Yeah, ouais, ouais. Brouillard dans le Vaucer. Yeah, yeah. Brouillard dans le Vaucer. Dans le Vaucer, Hood Music, Big Rap Tour, brouillard dans le Vaucer, brouillard dans le Vaucer, yeah, Big Rap Tour, brouillard dans le Vaucer, yeah, ouais ouais, brouillard dans le Vaucer, pour tous les routes. Négro, you lose, quand j'ai le temps de porte de la Phoenix Show. T'as vu, là c'est dans les sons, t'as vu, yeah. Là des rappeurs. Ouais ouais. Tu veux kicker. Ouais ouais. Dernier freestyle. Ouais ouais. On fait. Ouais ouais. On fait cette kick kick pas mon négro pas deux. On arrive on est casse en deux. En deux. Va cliquer trop fou de. En remplissant 402. 102. Les négros sont des chats. On va forniquer fort code soumis. Vrai vrai. J'suis prêt à tout pour l'Yébi. Yébi. Vendre la coca Johnny. Holiday. Everyday. Holiday. Me fais sucer. Holiday. Yeah, à l'idée yeah, de vivre sans faire cette mal ma gueule. Obligé de bouger pour ma gueule. Drogue, sexe, violence, rap et gueule. Nos 15 coups sont portes, mon gant Roussen Bolt. Faire mal, tu sais que trop parler peut-être. Peut-être. Les chasseurs de rimes sont sur ta tête. LMC c'est à peine dans le crime. Depuis l'époque t'es pas qu'à ça. De la frappe atomique dans ma clique y'a pas Tommy. Il me faut un putain de bon coup. À la au concours. Je veux pas finir comme ce mec à la porte de Clignancourt. Pas une pécane passe, brrr, tape une roue. La roue tourne, c'est ce coup. On fait cette maille tous les jours. Chaque euro gagné tape pas vers la sortie du trou. Moi ça me fout, de quoi tu pars. Moi j'ai 15 coups, un négro, c'est lui qui part. Clique pas, c'est son du gunshot. Gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète, c'est lui qui part. Clique pas, clique pas, c'est le son du gunshot. Ah, yeah. D'accord. Rap, en tout cas, faut les péter. Sur la vie, ma mère, c'est putain de rap, on fait pour le baiser. Acheter dans le roulement, mais des gros, je pense que t'as baisé. Le masque est que 80 ou 350 GB. Je suis dans le ghetto, je sais ce que c'est. La vente de bédo, on sait ce que c'est. Péter des gueules ou même péter des pions. Ouais, tous mes négros, te diront ce que c'est. Mais on a des on attaque des galères. Avec moi, ça continue en scène. J'ai besoin d'une pointe, on comme des chaînes. Parce que ma noix, c'est à dire à la scène. Pétage en gauche, les gros à la tête. Si tu vois une nasse, on balance à la scène. Pour te renseigne, fais quand, comment tu mets dehors les gros, j'étais déjà dans le ghetto. Bengla, Bengla, Bengla, Bengla, Bengla, les jeunes n'ont pas terminé. C'est pas carré, c'est pas carré, c'est pas carré. Ok, Fred, nous on est bon, frérot. Eh ben, merci à vous tous, en tout cas, pour cette nocturne. Je sais qu'il y avait encore plein qui voulaient freestyler. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. On va quand même saluer tous ceux qui sont passés au micro une fois de plus. Il y avait donc Zesso, Sean était avec nous aussi ce soir dans la nocturne. Il y avait toi aussi. Il y avait Jack Money qui était là aussi. Il y avait Tony de la Comera et MO. LC, la Comera. Il y avait Mosda, il y avait Diego, il y avait Nabassa, il y avait Bess La Flèche, il y avait Kinch Macavels. Il y avait Tony Lardo. J'ai oublié personne, Jack, ça y est. Il y avait Mosda Isco. Oh, mon gars, Bafa, monsieur Bafa, il était dans la mitraillette, Bafa. Rappelez-vous bien de Bafa, voilà, c'est mon gars. Rodri était là. Mesco, Dufino. Et on va rappeler aussi que c'est dans les bacs de lundi, que ça s'appelle Bicraft Tour. La compilation, il y aura aussi une tournée, je suppose, non? On prépare la tournée. Pablo, 9-3. On va partir dans toutes les cités de France. Isco, c'est son Danite. On va partir dans toutes les cités de France avec un camion floqué. Et on va le faire comme d'habitude. Donc on pourra suivre Juicy P un peu partout. Voilà. Et avant de se quitter, on va finir avec un dernier morceau. C'est un morceau avec Joe Louis qu'on va mettre maintenant. Ouais, ça c'est un bon son. C'est Négro parle bête. C'est un son que j'aime bien parce que c'est la première fois que je fais de l'autotune, tu vois. Et je trouve que ça sonne plutôt pas mal, t'as vu. Et bon, on l'écoute. Merci à Juicy P, merci à vous tous. Une balade de gangster, t'as capté ou pas? Si tu rentres chez toi la nuit, si t'es en direction de la capitale ou t'entends. Là, tu vas être bien. Mets-toi bien, Ray. Merci Juicy P. Big up, big up, big up. Oh, big up, big up. Masco, Siro, c'est pas les vrais. Ouais, big up, frère. T'es négro par bête. T'es négro par bête. Car ils vont jamais rien faire. Et plus de toute façon, je suis prêt. Acheté un 223 Remington, j'y départ pas. Trop de négros chelous autour de moi. Négro, j'ai confiance en moi. Tous les jours, je cours après cette maille. Si je le fais pas, qui le fera pour moi? Ça sent le shit, ça sent la coca. Tout au mur, le système ne nous laisse pas le choix. Des négros parlent bête. Des négros parlent bête. Vrai, vrai, vrai, vrai. Car ils vont jamais rien faire. Rien faire, rien faire, rien faire. Et puis de toute façon, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Elle aime cyclique, elle aime cyclique. Ouais, de vrai négro, je suis prêt. Avec le meurtre, dans le viseur, l'hypocrite et le traître. Tu sais, dans des coins obscurs, on traite. Dans nos messes noires, y'a pas de prêtre. Non, non, non, non. J'ai eu huit dires de tes messes basses. Tu retournes ta veste, t'enfarais ta race. Tu ne me regardes même plus en face. De vrai, de vrai, de vrai. Je reste sagace. On attend la moindre catastrophe pour te finir, espèce de salope. La rafale passe. Des négros parlent bête. Des négros parlent bête. Car ils vont jamais rien faire. Et puis de toute façon, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Ouais, de vrai négro, je suis prêt. Tire de très très près. Tu veux la

Ça a l'air facile, imbécile. Chut, qui a-t-il assis là? Voici des vrais captures des syllabes de Killers. C'est qui là? Black Dracula, le 1 tel Attila. Que des minus comme Caligula. Quel aisance, X-Men, une légende. Paye allégeance, on te laisse en bras sans jambes. Comme la Vénus de Milo. On va de Vénus à Bali, de Venice Beach à Paris. De NY, Yaoundé, des négroïdes. So, Aquila, les femelles. Je me pose même pas la question, j'impose même pas la pression. Faisons le tour du monde, trou en un dans le club comme Jack Nicklaus ou Tiger. Ma vérité est ailleurs. Quand j'atterris, touchdown comme Randy Moss, on a nos propres circuits. Original, nique les clones dans des crop circles. L'ennemi est falche comme la puce de Montel. Là c'est le bec. La lady en SMS m'envoie des SOS. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Arrête ton charge, t'envoie la décharge. Je pars au bon chargeur, la mort a son charme. J'aime jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Arrête ton charge, t'envoie la décharge. Je pars au bon chargeur, la mort a son charme. J'aime jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur. On ramène notre science, choc l'audience, la bonne obédience. Trois aliens, il est casse. Mec, feu, flow, flamme, l'eau, bam. L'énergie circule, au calme on se parle pendant que t'avales la pilule. On débarque en ville, en embattement de cils, tout change en embattement de style. Tout est cyclique, circulaire, mystique, spectaculaire. Lyrics moléculaires, le nerf de la guerre, les femmes et le zéyo. Ma patience, la terre, mère, depuis le berceau, j'observe le cerceau. Accélération de mes particules, je roule en perceau, périlleux arrière. J'explose les barrières, mental, ta tête, malala. J'ai de quoi te mettre mal à l'aise, comme la tête parlant dans la. Quoi? Un coup de crayon, on crie, on pleure, on crie, on meurt, on fait tri, on prend de la hauteur. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Arrête ton charge, t'envoie la décharge. Je pars au bon chargeur, la mort a son charme. J'aime jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Arrête ton charge, t'envoie la décharge. Je pars au bon chargeur, la mort a son charme. J'aime jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur. Le futur est à nous, on vit des choses qui te tueraient d'un coup. La vie est dure et courte comme la durée d'un couple. C'est pour nos aliens qui circulent en sachant qu'on pose un champ dans un cercle et un cercle dans un champ. On parle de choses qui restent un mystère pour les chercheurs. Le futur est à nous, autant voilà la décharge. C'est pour mes aliens. Et même si ça me coûte cher, j'aime jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le chargeur. Assis à l'étoile des lilas, sur le toit de la ville. En haut, on vit notre propre film. Filme notre propre vie. Rap, soul, rock, pop, clé sonore. Dans nos sommets, compose notre propre bruit. Les autres sont cuits ou morts. Un homme sait qu'on doit être propre sur soi. Un autre noir est propre sur lui. Marchant à travers le sale, peu de sommeil. À travers le sable, le feu du soleil. Dans ce désert, si tu m'aides, je peux te construire un pont. Et si tu m'aimes, plus que le zèle, nique l'œil unique. Le clan a franchi le seuil ultime. Depuis l'œil du tigre, l'esclave et le maître. Pas du triangle au cercle, on trouve des choses qui demeurent un mystère pour ceux qui cherchent. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Tour de Ken Master, Ken Shin, Ken Taro, Ken, Ken ta sœur. On veut tous se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. C'est sur la scène que les premières lueurs du matin déteignent. L'humanité meurt depuis qu'on a quitté le jardin d'Éden. On a le rêve dans le cœur, le cauchemar dans les veines. Plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Moi je suis un Babtou à part, je vois plein de Babtou pompeux. Mais sache que les Babtou comme moi n'aiment pas les Babtou comme eux. Surtout quand les Babtou empire de Piranha. Parfois je reconnais même plus ma patrie comme mon pote iranien. T'oublies tout tellement tu rappes, hein, obligé de se mentir un peu. Du genre si jamais je m'espagne du premier coup tout ira bien. J'ai jamais été gratte à rien quand tu taffes peu. Il me faut un casque intégral, je vais braquer l'industrie comme les Daft Punk. Mais transformé en F dollar, le S du S tout. Ouais. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Je devais bicraf cette beuh, mais je m'allume un bédo puis de piano. Et j'oublie tout sur cette putain de mélodie de piano. Je pense à ce garçon si fier, un jour ses soucis s'intensifièrent. Dire qu'on s'est vu hier, aujourd'hui il survit sur une civière. Subir un traumatisme et te remettre à moitié entre médicaments et cam. Autrement dit, la trame est dramatique. Mais pour faire la fête, pas besoin de mettre en fait d'âme. En fait, t'es fait frère, mais maintenant fait d'âme. Je mets la nitro, je mets une femme ni trompette ni trop belle. Je fume de l'hydro, bonique, je bois de l'hydro. Mais on embarque tout l'équipe. Ne pars pas, si tu parles de ceux qui parlent, fais pas croire que tu parles pas. J'ai vomi dans la benzo de mon homie Kezo, nouveau hoodie Kenzo. C'est comme ça que Kenzone. J'me téléporte dans la bas de cap, j'aime pas les ports, mais pas que. Blablabla, bla, bla, ta gueule, j'ai claqué les portes comme un backeux. Ceux qui n'aiment pas le petit grec seront en run. J'm'en tape tant que mes tigrés seront en run. Mes ennemis sont en bad, vu qu'ils sont en bas de l'échelle. Et j'me fais lécher par les modèles d'Obada. Rien ne sert de nier, y'a pas meilleur que nous, y'a. Connecté au pilier de LA jusqu'à que New York. Voyage en avion, on a pris un billet. On a fait le show et on a pris un billet. Ah, ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand j'suis premier que j'reste à ma place. Et y'a que quand j'suis premier que j'reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand j'suis premier que j'reste à ma place. Et y'a que quand j'suis premier. Je suis de retour, tu voulais voir le king lutter comme Martin. Je suis le front kick dans la porte qui fait bondir ton père dès le matin. J'ai pas de muse abruti, ma seule muse c'est la street. Les fermuses, les fards qui font mumuse. Et ceux qui abusent sur l'islam, c'est précepte. Ainsi que ces 73 secs. Déposer les armes, ouais, je compte jusqu'à 47. Des refaites, je t'aimerais. Avec un cœur en plastique, je suis de Paris. C'est toujours un peu Walking Dead à Bastille. Pour Farid, Macan, le petit frère de Asdin. Le bédo ça rapporte, mais l'héroïne l'a rendu has-been. Anesthésie locale, c'est une opération. Ouais, ouais, j'ai plus d'inspiration que d'expiration. Melinda Gate. Melinda Gate, oh no. Melinda Gate, Melinda Gate, Melinda Gate, oh no. Signe au don du chèque, Melinda Gate, hey, stop. Melinda Gate, Melinda tu Gate, quoi? Melinda Gate, Melinda Gate, signe au don du chèque, Melinda Gate. Je comprends pourquoi les balles perdent fort les crânes et les joues. Quand t'apprends que le quartier tourne à 60 000 euros au jour, on se dessous. On se tire dessus pour des petits sous, tant qu'à faire, je préfère encore de voir que l'oseille à Picsou, c'est le peura. On perce avec des propos odieux, c'est pas en CE2, t'apprends la roca, tu sais O2, réveille-toi. Ils veulent interdire la fessée, ma langue est une épée, petit car mes parents t'ont blessé. Je suis ghetto, ma sœur, je demande ta main dans un fast-food. toute une resta. Je me chéka pour pas que ça fasse effet de foule. Je les bousille de l'intérieur, je suis chéka dans leur table. Depuis la poudre à canon, j'entends plus parler du kung fu. Les refrains au de blé ne cherchent qu'à manger de la viande. Mais toi, tu serras ta queue comme la ceinture dans l'avion. Tu perceras seulement si tu crains pas le ridicule. Je suis instable à croire que j'habite dans un Rubik's Cube. Je suis posé à leur table, sur leurs mains y'a plein de sang. Je m'investis violent comme si je m'appelais Maxence. Les balles fusent, essaie de me désarmer comme Denzel. Ça te servira à rien comme tous les Sharingan de Tenzo. Melinda Gate, Melinda Gate. Melinda Gate, Melinda Gate, Melinda Gate. Signe au du chèque, Melinda Gate. Melinda Gate, Melinda Gate. Melinda Gate, Melinda Gate. Signe au du chèque, Melinda Gate. Hey, alors tu t'attendais à quoi? Deuxième zone. Baisse. Rap. 100% rap français. DJ Scott, MFTK Sultan, classico dans la nature. Ici y'a rien à gratter. Mon frère, que des potos qui chattent. T'es mis le sortier, qu'il faut-il quitter le quartier. Arrête, ça pique grave des barrettes. Soeur, tu fais pitié, bientôt on va les braquer. Bientôt on va les braquer. Gardons les gants, que ça paye plus de chanter. Les dernières astiques, gel, crête, coupé, c'est bon, on est paré. Tout vitré derrière moi, c'est bon, y'a que des tarés. Trois tours du périph', le rebeu, il est pensif. Avec Mounir dans un RS6, ce plaqué transit. Ok, LZK, tu connais pas le zinc. Le rebeu qui fait le macaque que t'as pris pour une balle tringue. Sur moi, en sap, tu portes 2000 euros. Les grossistes n'ont pas de super pouvoir, ils vendent de l'héros. J'ai pris du pif, pris du bras depuis le temps. De dire qu'on était ennemis, j'ai trouvé ça insultant. Ok, moi c'est que un de mes refs camerounais. Y'a pas de smash, pas poulet, diable rouge camerounais. Pousse l'image, j'peux te scier les jambes. J'ai roté ma SACEM, j'ai chié mes jantes. Une salope, deux salopes, trois salopes, une chambre. Encore une pugnasse qui veut me faire croire qu'elle chante. Ici y'a rien à gratter. Mon frère, que des potos qui chattent. T'es mis le sortier, qu'il faut-il quitter le quartier. Arrête, ça pique grave des barrettes. Soeur, tu fais pitié, bientôt on va les braquer. Bientôt on va les braquer. Gardons les gants, que ça paye plus de chanter. Ouais c'est moi ça vit grave, ça nique des mamas. Ça veut faire des lovés, pouvoir d'Obama. Celle-là c'est pour les frères que l'on défère. Que l'on met faire droit à l'enterre ou qu'on enterre, on vit le drama. La vérité sort de la bouche des pookies. J'suis dans la cour des grands, j'suis plus un rookie. J'vais faire des trucs de porc, mais c'est l'histoire. On arrive fort ici, c'est Cortou, c'est MC, j'les prends en doute. B-A-G-N-E-U-X. Baisse le beurre à ses fils, les troncs sous X. J'demande une pause, mes fans demandent des pics. Avec mon flow, tes schlags se font des fixes. Mon album va sortir, tous ces rappeurs seront démodés. Tu bicraves de la merde, tes auditeurs en font des sautés. La haine, c'est la prison, perquisition, tous en érodés. Le langage est codé, leur putain trop néodé. Tobo Zulu, trop relou. Compare pas ces fuck avec ma clique de loup. Ouais, ouais, Sultan, comme rien, c'est trop tard. Ma piste en guise de flow pour ton gros salopard. Ici y'a rien à gratter. Mon frère, que des potos qui chattent. T'es mis le sortier, qu'il faut-il quitter le quartier. Arrête, ça pique grave des barrettes. Frérot, tu fais pitié, bientôt on va les braquer. Bientôt on va les braquer. Gardons les gants, que ça paye plus de chanter. J'en dis vie, ouais j'ai fait du chemin, j'ai le ghetto dans ma peau. Que des récidives, adeptes de la bicrave ou bien dans les braquants. Chez nous on a l'art, on faut que tu tes manières, gros tes man oracle. On mute les barrières et on lève la bannière, bienvenue dans l'enclos. C'est le classico, bannière Vitry, c'est le classico. C'est le classico, elle sait pas sur le temps, c'est le classico. C'est le classico, prête tes vides, c'est le classico. C'est le classico, 9-9-4, c'est le classico. Explicit lyrics. Ous 35, pas d'empreinte, tirant l'air zin. On est sur le terrain, j'ai la brigade des stupes sur mes reins. Les mains sales, liage d'argent sale, je traîne plus au foot en salle. J'ai la mentale, je te tire dessus, je touche pas la barre transversale. De quoi tu me parles? Tu me fais des grands gestes et tu me regardes mal. J'ai posé cartes sur table, j'ai les cartes en main, j'ai les yeux rouges écarlates. Plus le temps de parler, plus le temps passe et mon espérance de vie rétrécit. Je t'entends parler, te compare pas à moi, je suis pas Ronaldo, t'es pas Messi. Traîner devant le T, voir mon buzz grimper m'a rendu agressif. Je me suis fait seul, tout ce que je dis est vrai, le public m'apprécie. Ton rappeur préféré nous raconte de la merde, mais nous on y voit rien. Ton terrain, le passeur à l'estomac plein, ça fin justifie ses moyens. Pour ma famille, je peux te tirer dans le pied, dormir sur mes deux oreilles. Pour à deux ailes, je dois tout baiser dans le rap pour qu'on ait un max d'oseille. 6-35, pas d'empreinte, tirant l'air zin. J'ai une balle main, polo pollen shark, gilet philippin. Pour rapper, je suis solo. Et pour faire la guerre, on est plein. On est sur le terrain, j'ai la brigade des stupes sur mes reins. Je roule un gros joint de feu pour trouver le sommet. J'écris ce couplet au quartier, je le clip au soleil. Parti de rien pour s'agripper au sommet. L'huissier a pris mon lit mais j'ai plus sommeil. Enfance difficile devant la daronne, je me faisais courser par les civils. J'ai grandi, je me suis retourné, elle était morte, tout est allé si vite. Vendu toutes sortes de drogues, ma vie tourne en rond comme ce putain de texte. J'ai senti de la haine dans le regard du tueur inspect. En réparation, j'ai compté sur elle et elle m'a quitté bêtement. Dans le rap, j'y suis à fond, j'ai ma beuh dans le caleçon, aucune contrefaçon. Comme on dit dans le jargon, si tu vois pas la stupe, surveille bien ton charbon. Je suis comme pêcheur, si je trouve pas le fusil à pompe, je lui sors un putain de harpon. Flic et descente, la dernière bavure, remonte à quand? Suce mon gland, j'ai touché le fond, mais j'ai remonté la pente. Pique mon gang, si tu parles de moi, dis mon place dans tes sons. J'suis parti de rien, j'ai ramené du blé à la maison. 6-35, pas d'empreinte, tirant l'air zin. J'ai une balle main, polo pollen shark, gilet philippin. Pour rapper, j'suis solo. Et pour faire la guerre, on est plein. On est sur le terrain, j'ai la brigade des stupes sur mes reins. Et j'me roule un gros joint de feu pour trouver le sommeil. J'écris ce couplet au quartier, j'le clip au soleil. Parti de rien pour s'agripper au sommet. L'huissier a pris mon lit mais j'ai plus sommeil. C'est la French Riviera de Nice à Massilia, HLM en bord de mer. Y'a de la scène 6 milliards pour tous les clients au bord de la crise de nerfs. J'suis à bord du vaisseau, départ du quartier Terminus à la Jonquera. J'ai le cul dans le réseau, le respect des anciens, la chatte à Christian Taubira. J'ai rappé, retenez-moi, aujourd'hui elle me suce, demain elle m'oubliera. DZ sans chaud, comme vous, Medjen, Brahimi et Bouguera. J'avoue que je me sens bien, je me sens français comme un LK ou Franck Ribéry. Je fais mon business, je traîne devant le dé, je paye pas d'impôts, la chatte à Katy Perry. Yes, Tyro, Black V, Einer. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Ladies, babies. Quand tu bouges, quand tu danses, chérie, j'en perds la tête. Ça me booste, ça me donne envie de faire la fête. Te voir en chair, en os, c'est mieux que sur le net. Si le désir était un crime, je crois que je prendrais perpète. Allez, viens par là, remue ton tarma. Secoue tes hanches qu'elle bouscule mon karma. Et jolie maman, collée contre toi, le goût de la vie est sucré comme le chocolat. C'est pour ça que je veux te donner tout ce que tu aimes. On danse toute la nuit jusqu'à en perdre haleine. Si le DJ est le roi, ce soir c'est toi la reine. Select a pull up, vas-y come again. Non stop, allez DJ mêlée au top. Elles aiment que ta zik les emporte et que ça joue non stop. C'est tout ce qu'elles demandent à la porte. Elles veulent que ça bouge, ça gigote, you again non stop. Allez DJ mêlée au top. Elles aiment que la zik les emporte et que ça joue non stop. C'est tout ce qu'elles demandent à la porte. Elles aiment quand ça bouge, quand ça gigote. Quand le DJ balance les disques, toi t'es sur la piste. Malgré les soucis, tu n'as jamais l'air triste. Tu ne calcules pas les soumises et leur vie. Toi tu danses à ta guise, à quoi qu'elles disent. T'aimes les soirées cool, sympathiques ou branchées. Tes hanches sont du Beyoncé, bref danser. Faire remuer ton corps sur la dance hall. Même quand y'a personne sur le dance floor, tu danses. T'as le style, le feeling et le rire. Tu rends dur ma tête, tu rends sur le beat. Oh no, t'as vraiment trop de classe. Les jaloux traînent de tasse parce que tu les déclasses. Bébé, j'aime ta manière de penser, de lancer, pencher, danser sans penser aux conséquences. Ta face, tes fesses, tes as me hantent. Quand tu te lances, ça jump up dans tous les sens. Non stop, allez DJ mêlée au top. Elles aiment que ta zik les emporte et que ça joue non stop. C'est tout ce qu'elles demandent à la porte. Elles veulent que ça bouge, ça gigote, yo again non stop. Allez DJ mêlée au top. Elles aiment que la zik les emporte et que ça joue non stop. C'est tout ce qu'elles demandent à la porte. Elles aiment quand ça bouge, quand ça gigote. Je n'arrête pas de mixer la dancehall, c'est ça qu'elles aiment. Comme on dit, en Guadeloupe, on soigne là, pas des problèmes. Les Wood Boys sont de sortie et prêchent la dégaine. Et les Badman Pouloupa, Badman Pouloupa. Gal, bouge ton body que tout le monde hallucine. Bouge ton corps sans prise de tête, quand ton boule me fascine. C'est clair, ce soir t'es ma dancehall queen. Tu connais tous les pas de danse, t'as un boom boom clean. Laisse-toi aller, mamacita. Enflamme le dance floor, rien te résiste. Baby, fais la belly dance, wind up your bumpa. Just give me the light. J'aime quand t'es chaud quand t'es hâte, yeah. Non stop, allez DJ mêlée au top. Elles aiment que la zik les emporte et que ça joue non stop. C'est tout ce qu'elles demandent à la porte. Elles veulent que ça bouge, ça gigote, yo again non stop. Allez DJ mêlée au top. Elles aiment que la zik les emporte et que ça joue non stop. C'est tout ce qu'elles demandent à la porte. Elles aiment quand ça bouge, quand ça gigote. Ou pas tan, well this is Aynel Taiwo Black Vinel. Non-stop, non-stop, non-non-non-non-stop. Black V de retour avec Tairo. À découvrir aussi maintenant la nouvelle signature du label Dean Records. Il s'appelle Oumar. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Violente sans nos thèses. Philosophe pas avec une arme. Tu feras ta peine, c'est une prothèse. Le racisme est d'état. Alors je parle comme un Beretta. Je suis saoul comme un Aeta. Je prise ni la classe, ni l'omerta. La nuit ils portent mal conseil. Car les démons n'ont pas sommeil. Je ferme les yeux, je vois le soleil. Je vois les rayons de l'oseille. Je vois la tâche, je suis comme toi. Alors à la tienne. Ici le silence s'achète. Mais nos péchés nous appartiennent. Nous appartiennent. Ce monde tourne pas rond. Alors je reste dans ma bulle. Sur fil du rasoir. Hardcore soleil funambule. Homme de bien. Homme de bien. J'vomis le mal comme une mule. Vite ainsi fait, alors je reste dans ma bulle. J'parle pas assez fort, alors joy pharaonique. J'ai la main d'or, ma liberté, porte un bracelet électronique. Toujours un traître à la cause, pour un pot de paradis fiscal. Plus de place pour un schlass entre le coccyx et le cervical. Leur laïcité veut me cadrer, j'ai le seum de la terre madrée. Un ton de tablion cadré. ma nation rêve de les marbrer. La race humaine est folle, elle a perdu le nord. Le fric comme boussole. Je suis bien de la street, tous mes rêves sont nés au sous-sol. Néo sous-sol, néo sous-sol. Ce monde tourne pas rond. Alors je reste dans ma bulle. Sur le fil du rasoir. Hardcore soleil funambule. Homme de bien, homme de bien, homme de bien, homme de bien. J'vomis le mal comme une mule. La vie est ainsi faite. Alors je reste dans ma bulle. Cérébrale torture, urbaine littérature. Ma rime cicatrice mal, j'ai la gueule pleine de ratures. Chante un hymne à la paix, glaive levé vers le ciel. J'ai le regard plus vieux, ici la colère est torrentielle. En amertume profonde, je me noie sans faire de fuite. Je reste dans ma bulle, laisse noyer dans un verre d'eau vide. On veut se faire la pelle quand les coups durs nous amochent. Tony voulait le monde, mais son linceul n'aura pas de poche. Pas de poche. Tourne pas rond. Alors je reste dans ma bulle. Sur fil du rasoir. Hardcore soleil funambule. Homme de bien. Homme de bien. Homme de bien. Homme de bien. J'vomis le mal comme une mule. La vie est ainsi faite. Alors je reste dans ma bulle. La Nocturne 100% rap français, il s'appelle Oumar. Nouvelle signature du label Dean Records à l'instant dans ma bulle. C'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. La Nocturne continue encore pendant quelques minutes. Avec du son d'Hadès maintenant à découvrir dans la Nocturne 100% rap français. Hadès qui sera de retour dans les bacs au mois de septembre. Sortir la nuit pour piloter. Un putain de son patard qui va t'isoler. Fais tourner la cible, la vie, ok. C'est les mauvais lascars qui se disent. Ça va sortir la nuit pour piloter. Un putain de son patard qui va t'isoler. On prépare l'homicide, la mire garde la nuit, y'a des sorties de cartouches. On fait pas de plaques, arrête, plaque et on te claque la bouche. T'es touché, tu craques avec ta donzelle. Et si mon rap te braque, même en vrac, quand te change la douche. On découpe les ailes, on peut suivre te voler. On découpe les ailes comme une pute de violée. La nuit, nous on n'est pas là pour rigoler. Mon quartier c'est 19 sous, arrive, faut arrêter de picoler. On a beaucoup d'oseille, à rendre sainte les ex putains. Regarde les ex lutins, toujours en train de pioncer. On fait péter le beat hors norme, on déchire tout. Ça c'est du rap de voyou pour qui voudrait danser. Laisse casser un port trop, laisse tasser la force gros. Laisse baiser les portes, laisse passer les talk shows. C'est le retour du bouillou le plus arabisé. Ton son va le briser, passer dans les torches. Fais tourner la suite, l'ami, ok. C'est mon mélascar qui se disopé. Ça va sortir la nuit pour piloter. La putain de son patard qui va t'isoler. Fais tourner la suite, l'ami, ok. C'est mon mélascar qui se disopé. Ça va sortir la nuit pour piloter. La putain de son patard qui va t'isoler. On a sorti les formats, tiré dans le tas. On se fait tourner les connasses, on a baisé l'état. Une véritable brute, je le suis. On fuck les putes en missile, nous. On préfère la scène de la six coups de tête de bisou. Boum, et ça shoot. On saute dans les caisses, coûte que coûte. Il faut que la foudre tourne dans les têtes. Les sons qui choquent, nous on t'en donne. C'est pour les blocs si on t'en prend, nous. Qui voit la mort de Satan, mais on perd dans la capote. Déterminé, aussi exterminé. Mais si pas terminé, mais si c'est terminé ici. Mais t'es malade, balayage direct. Solo sur la table avec un habillage de yep. Rap de horde, fait pour les hordes. Fou, horde, prie, fou. Les cris de lâcher, pour les cris fâchés. Voyou, dans hip hop de luxe, je vais la tâcher. Fais tourner la suite, l'ami, ok. C'est mon village qui se disopé. Ça va sortir la nuit pour piloter. La putain de son patard qui va t'isoler. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Nouveau son de la Clica avec Roca et Daddy Lorty maintenant à l'ancienne dans La Nocturne. Tranquille, à part ça, qu'est-ce qu'on on dit? On arrive avec du flow, le reste notre place de fourni. On n'a pas dormi sur nos lauriers, y'a un taf de fourmi. Un produit parisien, non, ça vient pas de Californie. Hormis les handis, on s'est réunis comme à l'époque des grands MC. Fini soit le rap à l'ancienne, code de rue, contrat que l'on scelle. Les ragots que rentrent à la scène, les styles qu'on prend pas la pelle. Les nids blanches, plus laquelle. Mitonner, c'est pas la peine. Tous baignés de courage et d'aubaine. Les plus faibles finissent dans la benne. Ma profession négociérable, fuck les 35 heures. Moi je veux pas le palper, le plus dur c'est pas de faire de la monnaie. Mais c'est de rester vrai dans le succès, tu le sais. Je comprends mes trieuses de billets, je fais du cash depuis que j'ai plus mes dents de lait. Si je rappe encore mes vœux couplets, c'est qu'une parcelle de mon âme. Passion, raison, action, ambition, un but pour partir en mission. L'objectif, changer de condition. Si c'est la foire qui perd en l'addition. Nous sommes toujours colère, décision, détermination sans fiction. Le but, son atmosphère, sa façon d'agir, c'est dicton. Bla bla, chaka, ma crée gars. Bla bla, on met sa gare. Bla la squadra. Exportation du fond colombienne. Que Dieu bénisse le rap à l'ancienne. Béni soit le rap à l'ancienne. Le bras l'on bat au centre d'ombre. Y'a pas que le sol, terrain que l'on tient. Que Dieu bénisse le rap à l'ancienne. Béni soit le rap à l'ancienne. Est-ce que tu l'as senti, tu t'es repenti. Pas de chippie, ni de répit. Comment ok, ça va d'Adi. Tranquille, à part ça, qu'est-ce qu'on dit. Je passe en coup Zef, prends des news du terre-terre. Ça gère, vénère, bénéf, bien les affaires prospères. Crois que par des chichas et c'est la blanche, c'est pour les zéros illégaux. Tout le monde est con dans la rue comme le fisc. Même les keufs amortissent leur paye de blaireau. Kiff depuis ton tour, franchement, rien de particulier. Kill. Si ce n'est ma façon de rapper, d'articuler. D'articuler. Que des enculés, Kill. Celui qui me dit qu'il est. Kill. Je pas être à faire l'envoi à l'heure qu'il est. C'est laser mise, queuse mi, beaucoup sont mis à l'heure dit. D'un queuse dit au low key, trop t'es si tu le rorti. Y'a pas d'âge, ni d'avantage. Dans la street, les jeunes sont les plus barges, nos limites. Des équipes de furax, trop de virtuoses au volant d'un team max. La rue, c'est moi qui suis pas bien, je suis tenace. Les seules choses dont tu te souviens sont des menaces. C'est rien de cache, dès qu'ils nous tiennent, cette vie nous lasse. Ces frères au tard qui vont et viennent, c'est dégueulasse. Bla bla. Saga, ma crie des gars, bla bla, on me saga, bla la squadra, panique et panique, exportation du faux colombien. Que Dieu bénisse le rap à l'ancienne, béni soit le rap à l'ancienne. Le bras l'on bat au centre colombien, y'a pas que le sol, terrain que l'on tient. Que Dieu bénisse le rap à l'ancienne, béni soit le rap à l'ancienne. Que si tu l'as senti, tu t'es reparti. Pas de tipi, ni de ripi. Comment on dit, ça va d'adi. Tranquille, à part ça, qu'est-ce qu'on dit. En tu cabeza, el africano y el latino. Sangote, sangoni. Pas du tout du même avis que consommeur d'amour, de vertu, de douleur, d'avant de vécu. Sans valeur, une fois mort que l'estu. Pendant le game, c'est mort la queue. On cherche à se lever en mieux. En mieux. Qu'est-ce qu'on sent pas dépendre plus que, plus que. Nous, on vend pas notre amour. Je trouve la luminosité en soi, malgré toute la médiocrité qu'il y a. Tout pas qu'on est mort, demande pourquoi à la CIA. Béni soit le rap à l'ancienne. Le port de Marseille, les ragots de tonton Marcel, l'expérience odeur qu'on parsème, l'unité de tous nos cartels, le bon son à quoi tu t'attelles. La squadra toujours à la peine, ces principes qu'on te martèle. Ok. Fils d'immigré, moi j'aime la France, mais j'ai fait ma mal. J'ai vu ses yeux, puis ses mains plaquées sur son front national. S'il reste nos rap écrits sur nos portes à danse noire, on s'habitue à tous nos mots bleus des gyrophares. Bla bla, ça gare, ma clé des gars. Bla bla, on me s'agarre. Bla la squadra, paliqué africaine, exportation du faux colombien. Que Dieu bénisse le rap à l'ancienne, béni soit le rap à l'ancienne. Le bras l'on bat, le centre d'on vient. Y'a pas que le sol, terrain que l'on tient. Que Dieu bénisse le rap à l'ancienne, béni soit le rap à l'ancienne. Et si tu l'as senti, tu t'es reparti. Pas de chippie, ni de répit. Comment on dit, ça va d'Adi. Tranquille, on passe à qu'est-ce qu'on dit. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. tiendrai mes promesses jusqu'Obama. Je tiendrai mes promesses plus que mes tiramas. Je serai à la hauteur de tes sacrifices. Sur le ring à la hauteur face à Iblis. Je ferai de mon mieux, car ici on te juge à l'apparence. Et dans mon cas il n'y a jamais de non-lieu. J'ai grandi en banlieue marseillaise où des mères parlent à leurs fils comme demi-mour à Patrick Swayze. Mon Dieu, le haram est à la mode, les valeurs humaines en solde. Le shétan prend de la prote, des familles tiennent le coup avec une corde. Oui, on court à notre perte avec les jambes à Usain Bolt. Crois-moi, c'est devenu banal. Depuis la piscine de Loana, la pudeur se promène à poil. Nos petites sœurs apprennent le twerk avec Anna Montana. Passe-moi une feuille que je me mette à nu, plus vite que Rihanna ou Kim Kardashian. Être Gandhi c'est trop chiant, être Nabila c'est intelligent. Au secours, des histoires de cul de nos dirigeants font plus de bruit que les propos insupportables de Zemmour. Comme Youse, parle-moi d'amour avant de me parler de monnaie. De Banksy avant de me parler de monnaie. Je ne peins qu'avec les couleurs que je connais. Black, blanc, beurre, parfois rouge quand le sang a coulé. Parfois vert ou parfois violet. Car comme dirait Kader, restons dans le pif du sujet. L'argent nous a transformés en Gollum. Ici le Pascal n'est pas un grand frère mais un gourou. Encore un texte qui part dans tous les sens. En espérant qu'il ait un sens. En espérant qu'il ait un sens, mama. Oh mama. Pleure pas, je vais m'en sortir. Tu verras, je t'en fais la promesse. Oh maman, maman, je me bats, je vais m'en sortir. C'est ma promesse. Je prends le micro à ma guise pour mes pleines colères. Je prétends pas être le guide pour mes chers collègues. Mais les médias parlent des crimes que les frères commettent. Et j'ai dû sortir de la crise pour me faire connaître. Donne-moi un beat que je me vide avec un thème correct. Puisque nos carrières passent vite comme une brève comète. On cherche à monter un empire pendant que nos rêves progressent. Oh maman, je vais pas te mentir avec de belles promesses. L'âme sur les pommettes, je chéris le Zahir. J'ai quelques frères poètes comme Serine et Saïd. J'ai quelques gimmicks, plus délinquants. Ils parlent de mon éloquence maintenant que la France chante trimine. Je rumine à rapper sur des loupes. Sache que les brebis enragées deviennent plus dangereuses que les loups. Je l'ouvre en dardard, vois ma vie en chiffres. Me purifie à l'eau de zamzam, pas au parfum de Givenchy. Maman, je m'affranchis de toutes ces tarentules. Je sais que ma franchise va me causer des rancunes. Je tue le délire comme une blague païenne. Recalé de toutes les boîtes, je ne fais la fête que dans ma boîte crânienne. J'ai pas de plan de carrière, affronte la vie. Faut pas guetter en arrière car le passé ne prédit pas l'avenir. Je pars en vrille, je suis encore avec mes potos. C'est pas qu'on avait tort en fait, on avait raison trop tôt. Ces putains de photos vont va nous rendre visionnaires. Ce putain de loto va pas nous rendre millionnaires. On connaît les 21 grammes, la maladie. Maman, les euros que je gagne ne peuvent pas te payer le paradis. Cette vie nous baratine, pas de vertu. Si tu luttes, tu peux perdre. Si tu ne luttes pas, tu es perdu. Alors je perdure, trop d'humour et trop de larmes. Est-ce que l'amour survit dans l'au-delà? Oh maman, oh maman, pleure pas, je vais m'en sortir. Tu verras, je t'en fais la promesse. Oh maman, je me bats, je vais m'en sortir. C'est ma promesse. J'ai parcouru les ghettos, des quartiers nord à Brooklyn, de la Grande Borne à Saint-Denis, de Gay à Pekin. La misère en routine, la violence en roue libre, là où les fous rires sont des voiles sur ce qui fait souffrir. Le manque d'argent, le manque de sexe, le manque de père. Le manque de repères, ça va cruellement de pair. Là où lire est une perte de temps, on manque de tact. Et l'espérance de vie et de changement sont compactées. Les politiques tractent et jactent et castent. Si t'es costaud en classe ou en caste, t'es acheté, demande à Dassault. 13 milliards d'euros, on n'est pas à ça près pour quelques pirates Black Sparrow. Quelques rafales de billets tirées sur le destin d'une Tess. Et les lois sont inutiles comme ce texte que Dieu nous protège du diable de son cortège. Notre foi c'est son hors d'œuvre jusqu'à nos obsèques. Sandwich grec, foot en salle, boîte de nuit à la recherche de la recette pour chasser cet ennui. Le bonheur en dose homéopathique. Expert en errance, en galère, on se met en pratique. À défaut d'avoir le bonheur à portée de main, ce sera le bonheur à portée de joint. Le bonheur à portée de joint, à portée de bouteille. Je veux nager dans le bonheur à portée de bouteille. On calme nos problèmes avec d'autres problèmes. Pour changer de projet, on fait des projets. Et si tu grattes au fond, on aimerait changer. Mais y'a cette voix qui dit, faut bien manger. Je reprends la prière quand je serai au top. C'est comme si pour prendre une douche, t'attendais d'être propre. Ou pour apprendre, t'attendais d'être prof. ou pour aimer t'attendais d'être seul. Est-ce que le savon se lave seul? T'as pas besoin de conseils. La vérité est en toi, on n'éclaire pas le soleil. Cette planète rap. La nocturne. Il faut que j'arrête. J'arrive plus à cesser. Trafic de corps humain. Trafic de CC. Elle m'a tenu la main. Non, tu blagues pas, je pars sans toi. Donne-moi, moi j'ai peur sans toi. J'arrête pas de m'embrouiller. Ma ville est dans le brouillard. Mes sentiments sont brouillés. Ma vie résumée sur un brouillon. Ego, je suis millé. Boca, amasser les milliers. Des ennemis par milliers. Un des tu vas prendre une liée. Mais en examen, il faut qu'on m'examine. Car j'ai fait tomber du sang sur la mezzanine. J'fais mes business pendant qu'elle dort. Elle fouille mes affaires pendant que je dors. Par milliers, par milliers, par milliers. J'ai des ennemis par milliers. Par milliers, par milliers, par milliers. J'ai des ennemis par milliers. Elle veut pas avoir d'enfant, donc elle adore. Aujourd'hui elle veut me laisser, alors que j'ai payé la dot. J'suis désolé, mais je t'ai touché. Je suis désolé, mais tu vas devoir te coucher. À la tête de ta raison, faut pas que je perde la raison. Car les voix des victimes que j'ai tuées dans ma tête, ils résonnent. Ils veulent ma peau, veulent me découper. Ils veulent mon trône, veulent me voir couler, mais c'est mort. Prêt à tout pour mon zéo, j'ai dit c'est mort. Prêt à tout pour mon zéo, elle veut partir, moi je ne veux pas, tu vas rester. Pas la têtu, tu vas y rester. Je deviens fou, je vois du monde. Ils en veulent à ma vie, je deviens fou, je vois du monde. Ils en veulent à ma fille, ils m'ont volé. Tiré sur mes volets. Perdu au milieu nu, pas. Je sais plus où aller. Je t'ai supplié avant qu'elle. C'est en aller. Alors je médite, alors je médite, alors je me dis, alors je me dis, alors je me dis, alors je me dis que je dois m'en aller. Alors je médite, alors je me dis, alors je me dis, alors je me dis, alors je me dis, alors je me dis que je dois m'en aller. Par milliers, par milliers, par milliers, j'ai des ennemis par milliers, par milliers, par milliers. Par milliers, j'ai des ennemis par milliers. J'ai des ennemis par milliers. J'ai des ennemis par Fin de la nocturne, 100% rap français avec Quebla à l'instant et par milliers, c'est ce qu'on écoutait pour conclure cette nocturne. Prochaine nocturne dans une semaine, à pas louper, fabuleux au contrôle rap R&B en non-stop maintenant. Et là, qu'est-ce qu'il y a, femme? Fabounet est là aussi, comme d'hab, avec son short. c'est normal, c'est l'été. Et on revient dans une semaine pour une prochaine nocturne. Et dès lundi, 20h-21h, Planète Rap avec DJ Kayz et le projet Paris, Oran, New York. Passez une bonne nuit. Rap R&B en non-stop, fabuleux. Go! Du rap et du R&B non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.